Le compteur Link Hill, chapitre 4. Gabriel arrivait presque à son hôtel et à bout de ses réflexions quand il remarqua cette importune présence derrière lui. Pas de quartier pour les fâcheux. Il ralentit devant le premier café qu'il croisa et jeta un œil discret derrière lui. Rien de spécial. Un couple souriant, un clochard immobile au carrefour, une petite fille assaillant de force un chien à sa place dans sa poussette. Le mieux était encore d'inviter clairement son fâcheux à la rencontre. Il entra donc dans le café, s'attabla face à l'entrée. Il était prêt. Il ne savait pas s'il devait se réjouir de la situation ou s'en agacer. Sa curiosité voulait la confrontation, son désir de tranquillité, le repos et la solitude. Qu'avait-il fait au bon Dieu des Poissards pour qu'une affaire sordide s'invite à chaque petit déjeuner? Le couple souriant s'était arrêté devant le café, lui bouchant la vue. Ils se parlaient. Puis l'homme regarda à travers la vitrine et le poulpe comprit. C'était lui le suiveur. L'homme poussa la porte. Pas du tout ce que Gabriel avait imaginé. Sourire lumineux, petite ride au coin des yeux, main tendue. La fille, poignée de main énergique, regard sans détour. Salut! On a vu ce qui s'est passé tout à l'heure avec la meuf d'EDF et on voulait te dire, c'est cool ce que tu as fait. Pas du tout, mais alors pas du tout ce à quoi il était préparé. Sa surprise fut troublée par le barman, dreadlocks et piercing, qui salua les arrivants, Ferdi et Safia. On peut s'asseoir? T'aimes la bière? Il y a de la bière faite à la ZAD ici. Ça te dit de tester? Gabriel était bloqué sur le mode affirmatif. La bière de la ZAD arrivait, il allait tester. Il n'osa pas s'ouvrir à ses interlocuteurs de ce calembour, car il savait qu'il se sentirait vite dépassé sur le plan du militantisme, où il avait plusieurs années de retard. Et puis, la mort de Rémi Fraisse, les éborgnés par la police et la loi travail, ça pouvait tout gâcher. Et puis, il tenait à ce silence qui les liait déjà. Ils burent leur premier verre simplement et trinquèrent au second au travail accompli. Safia se mit doucement à raconter, d'abord à grands traits, puis avec des détails, les débuts de son aventure à elle avec Linky. Comment il l'avait imposée chez sa mère en lui coupant les lèvres pendant qu'elle était à table. Comment sa grand-mère avait reçu successivement des menaces, un nouveau compteur et des factures exorbitantes. Et comment Ferdi les avait virés et s'était retrouvé convoqué chez les flics et accusé de menaces avec armes. Tu te rends compte? Menaces avec armes. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. J'étais en caleçon et ils m'avaient réveillé, ces abrutis. Quand Safia expliqua comment les voisins s'étaient organisés pour empêcher les agents de EDF et les sous-traitants d'entrer, Gabriel était un peu ivre. Le fameux sourire du bienheureux se dessinait de nouveau sur son visage. Il rit même en entendant Ferdi raconter son coup d'éclat. Une fois liquidé la dernière goutte de bière, de la deuxième bouteille, parce que quand on aime, n'est-ce pas, ils se séparèrent. Le lendemain matin, au feu de port à la Sainte Scolasse, pas de traces de frimeurs en polo. Gérard et Maria étaient revenus à la normale. Alors le poulpe, toujours au chômage? Oui, toujours au chômage le poulpe. Il se reposait en attendant la retraite. Gabriel sourit en ouvrant son journal. Il repensait à la tête du gardien qu'il avait vu rentrer la veille. Étourdi de bières zadistes, Gabriel avait embrassé le vieux compteur électrique, écaillé et métallique à roues crantées. Soudain, un article attira son attention. Tiens Gérard, regarde ça. L'article n'était pas grand, mais sa photo aussi. On y voyait un compteur Linky en deux parties recouvert de peinture rouge dégoulinante. Crime de masse, disait le titre qui la surplombait. Le journaliste précisait que le nouveau compteur de 4 des immeubles de la rue avait été vandalisé, sans que les voisins n'en aient rien entendu. Le journaliste concluait que nous avions affaire à un serial killer. Gérard eut un gloussement hystérique et le poulpe referma le journal. Sa bonne humeur était complètement revenue et cette fois-ci, il savait pourquoi.